correspond à un musicien. Ce qu'on espère, c'est une intervention. Pas divine. Pas céleste. Yuma. Pas what the people about to make noise. Pas what the people about to make sound. Oh yeah. Oui. About to make noise, about to make sound. Thank you. out. Laisser, ne rien abandonner, c'est juste des objets, essentiels dans les bagages, nouveau millénaire.